Nos voix s'élancent, un souffle charnel. Chaque mot dessine un rituel. Riders qu'il charme, la foule succombe. Chaque note c'est chaque ombre tombe. Le rythme frappe, caresse du temps. Chaque souffle glisse, brûlant et lent. Raid de skill charme, ses mots sont loin. La foule vibre, elle chante avec moi. Ton regard me lit, tout m'attire. Nos voix s'unissent, portées par le désir. Chaque note danse dans l'air vibrant. Chaque mot enlace mon corps tremblant. Rider skill souffle, le charme s'installe. Le public crie tout, l'énergie est totale. Devient caresse, chaque mot brûle, chaque son nous presse. Près de ce qu'il murmure, mes veines s'enchaînent. La foule s'élève, la passion nous entraîne. Nos voix se mêlent, le feu nous unit. Chaque cri s'élance, la nuit s'infinit. Nos voix s'enlacent, la tension grandit. Chaque note vibre, chaque souffle séduit. Riders qu'il règne, son nom nous désarme. La foule succombe, levée comme une âme. Ton souffle s'enroule autour de ma peau. Chaque vibration devient flambeau. Rider skill chante, sa voix m'enflamme. Le public tremble, consumé de flammes. Chaque mot s'élève comme une prière. Chaque cri résonne dans la lumière. Rider skill charme, son nom en écho. La foule rugit doux, ivre du flot. Mais nos voix persistent, chaque souffle gravé, chaque cri existe. Rider skill charme, son nom demeure. La foule succombe, guidée par son ardeur.